بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. L'auteur qui dit رحمه الله باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. Donc ici l'auteur dans ce chapitre qu'il va nous parler des dépenses qui sont liées aux épouses, aux proches, aux esclaves, on verra cela inshallah ta'ala, ainsi que la garde des enfants. Et sachez, barakallahu fikoum, que les savants sont unanimes quant au fait qu'il est obligatoire de dépenser pour la famille. C'est une obligation. Et là-dessus, c'est un sujet d'unanimité entre les ulama. Et il nous cite que la première obligation dans les dépenses, c'est l'épouse. La première obligation dans les dépenses de l'homme, c'est l'épouse. Et c'est pour cela que l'auteur, il commence, rahimahullah, il commence directement avec ce sujet. Ala al-insani nafaqatu zawjatihi wa kiswatuha wa maskanuha bil ma'ruf bi hasabi hali az-zawj. Et donc il nous dit, donc l'être humain, ou ce qui est voulu ici, c'est l'homme, il lui est obligatoire de dépenser pour son épouse, de la vêtir, de la nourrir et donc de la loger de façon convenable, en fonction de la situation de l'époux. Il doit la nourrir, la loger, la vêtir de façon convenable. Comment ? En fonction de la situation de l'époux. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ وَمَنْ كُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Que celui qui a une situation aisée dépense de ce qu'il a, et que celui dont ses biens sont restreints dépense de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il a. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'il lui a accordé. Et donc chacun dépense en fonction de sa situation. Celui qui a beaucoup d'argent va dépenser pour son épouse en fonction de sa situation financière à lui. Celui qui a peu d'argent va dépenser pour son épouse en fonction de sa situation financière à lui. Tu ne peux pas, si tu as beaucoup d'argent, tu vas dépenser pour ton épouse comme si tu n'en avais pas. Non, ce n'est pas cela qui est voulu. Et d'ailleurs, les savants nous disent, barakallahu fikoum, donc, comme on le verra après, donc l'auteur qui nous dit « يُلْزَمُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ » On le force à donner ce qui est obligatoire dans cela si elle le demande. Si la femme demande son droit, ici dans un pays musulman auprès d'un juge, auprès d'un gouverneur, le gouverneur va forcer l'homme à payer ce qu'il doit payer. طيب, ensuite l'auteur il nous dit « وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرْ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمْ » Le hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, rapporté par l'imam muslim dans son sahih. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et certes, il vous est obligatoire de leur accorder leur subsistance et ainsi que leurs vêtements de façon convenable. Tayyib, de façon convenable, ça veut dire quoi? Les savants nous disent, c'est comme ce qui a été cité dans le verset. Ne me dis pas, ah c'est bon, je l'ai nourri, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça, khalas, le reste de l'argent, c'est pour moi. Non, c'est comme ça a été cité dans le verset. C'est-à-dire que celui qui est aisé dépense en fonction de sa situation. Celui qui est dans une situation qui est un peu difficile, il a moins de moyens, il dépense en fonction de sa situation. C'est pas normal qu'on soit aisé et que ton épouse tu la mets dans une situation difficile. Non. Et donc, tu dépenses pour ton épouse en fonction de tes moyens. Et subhanallah, les frères, quand on médite sur ce sujet, regardez comment l'islam préserve la femme. L'islam va protéger cette femme. Voilà pourquoi tu ne trouves dans aucune législation, tu ne trouveras aucune législation qui a élevé le rang de la femme comme l'islam. En islam, la femme peut très bien dire à son mari, je ne travaille pas, et toi, tu vas chercher l'argent. C'est ton travail à toi, c'est pas le mien. La femme, elle peut très bien dire à son mari, c'est à toi d'aller chercher l'argent, c'est pas à moi. Dans aucune législation, tu ne trouveras cela. Et si la femme dépense pour son mari, elle dépense, c'est-à-dire que le mari était dans une situation difficile, où il a voyagé, il n'a pas pu dépenser pour elle, etc. Pendant plusieurs mois, la femme, elle a dépensé, elle a pris de son argent pour se nourrir, pour nourrir les enfants, etc., etc., etc. Ensuite, au retour de l'époux, alors au moment où il a une situation plus aisée, la femme, elle peut exiger de se faire rembourser sur tous les mois précédents. Elle peut exiger de se faire rembourser sur tous les mois précédents. Et ça, c'est la vue de la majorité des savants. Parce qu'à la base, il était obligatoire de lui donner. T'as pas les capacités. Ok, elle a dit qu'elle prend ça en charge. D'accord. Mais une fois que tu as les moyens, elle peut te demander. Elle peut te dire, redonne-moi tout ce que j'ai dépensé. Tiens, j'ai fait les comptes, la facture, elle est là. Trouve une législation qui donne ce droit-là à la femme. Une seule. Tu trouves pas. Il n'y a pas. Tu peux chercher droit de l'homme, droit de la femme. Tout ce que tu veux, tu vas pas trouver. Ça, c'est charia. C'est tout. Et donc, quand on médite sur ça, barakallahu fik, on comprend comment ces gens-là, aujourd'hui, ils cherchent à salir l'islam. Comment ils cherchent à salir l'islam et comment ils vont ruser pour donc mentir sur cette belle religion. Et donc, il est obligatoire, barakallahu fikoum, à l'homme, comme on a dit, de dépenser pour son épouse. Et s'il ne dépense pas pour elle, parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il n'a pas les moyens, même parce qu'il n'a pas les moyens, il essaie, mais il n'a pas réussi. À ce moment-là, il est permis à la femme de demander l'annulation du mariage. C'est son droit. C'est son droit. Tu ne peux pas la forcer. La situation dans laquelle elle est, c'est une situation qui lui cause du tort. C'est difficile pour elle. Elle peut demander, dans cette situation, l'annulation du mariage. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Fa'amsikuhunna bima'roufin, aw sarrihuhunna bima'rouf. » Alors gardez-les de façon convenable. De façon convenable. C'est comment? De façon convenable, concernant les dépenses, c'est comme on a vu précédemment. Celui qui a beaucoup en fonction de ses moyens, celui qui en a peu en fonction de ses moyens. Et donc gardez-les de façon convenable ou libérez-les de façon convenable. Ça aussi c'est un point important. C'est que même dans le divorce, on ne doit pas être les plus grands ennemis de la terre. Je sais que le divorce, c'est pas facile. Je sais que le divorce, souvent, il y a les nerfs, il y a la colère, etc., etc. Mais lorsque tout ça s'est retombé et que ça y est, on s'est calmé, c'est pas normal qu'il y ait autant d'animosité, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, c'est devenu mon plus grand ennemi, et on oublie le ukhuwa fillah. Et donc, nous devons les garder de manière convenable, ou alors les libérer de manière convenable. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Et ici, le fait que l'homme ne dépense pas pour sa femme, mais ça lui fait du tort. Ça lui fait du tort. Voilà pourquoi les ulama disent, quand l'homme ne dépense pas pour sa femme, il est permis à la femme, il est permis à la femme de demander l'annulation du mariage. Mais elle peut aussi patienter. Elle peut aussi patienter par rapport à la situation. Et donc maintenant, par rapport à ça, barakallahu fikoum, il y a parfois certains frères, ils vont rappeler ça à leurs épouses. Ouais, mais tel compagnon, il y a sa femme, tel compagnon, il y a sa femme, tel compagnon, il y a sa... T'as bien appris, il y a l'ijma, unanimité des ulama sur le fait que tu dois dépenser pour elle. C'est unanimité. Et donc si elle veut patienter, comme certaines sahabiyat ont fait, oui, mais tu ne peux pas la forcer à patienter. Et ça, c'est une injustice de vouloir la forcer à patienter. Alors ensuite, le cheikh, il dit, Rahimahullah, وَعَلَى الْإِنسَانِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ الْفُقَرَى إِذَا كَانَ غَنِيًّا. Et donc, il est obligatoire à l'homme de dépenser pour ses, pour son, donc toutes les personnes qui font partie de son ascendance, ainsi que sa descendance, si ceux-ci sont pauvres et que lui, il est riche. L'ascendance des parents, les grands-parents, etc. La descendance des enfants, les petits-enfants, etc. Il était obligatoire de dépenser pour eux si tu es riche, si tu as les moyens et que eux, ils sont pauvres. وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْدٍ أَوْ تَعْصِيبٍ. Et aussi tous ceux qui vont hériter de lui. Tous ceux qui vont hériter de lui. Et donc là, maintenant, on va parler de qui? Et donc ici, on est en train de parler des dépenses pour les proches. On a parlé de ceux qui font partie de l'ascendance, ceux qui font partie de la descendance, et ensuite on a dans la langue arabe, el-hawashi. El-hawashi, ce sont tous ceux qui viennent. Ils ne font pas partie de l'ascendance, mais ils viennent de cette lignée et l'ascendance. On va avoir les sœurs, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, etc., etc. Et donc tout le lien que tu vas avoir avec tous les liens que tu peux avoir avec une personne par rapport à tes parents et tes grands-parents. Et donc ici, il est obligatoire à l'individu de dépenser pour toutes ces personnes-là. Si celui-ci a les moyens et que eux, ils sont pauvres. Quand le cheikh il dit, barakallahu fikoum, là, le cheikh après aborde le sujet des fara'id rapidement. Le cheikh n'a pas détaillé. Moi non plus, je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le moment. Mais ça serait bien qu'on le fasse aussi, le sujet, le fara'id, l'héritage. Et donc le cheikh il dit, donc, aussi ceux qui vont hériter de lui, soit bifardin. Bifardin, c'est-à-dire ceux qui ont une part prescrite, une part précise. Il y a certaines personnes qui vont hériter avec une part précise. Es-suluth, es-sudus, etc., etc. Ceux-là, ils ont une part précise. C'est ce qu'on appelle el-fard. Et il y en a d'autres qui vont hériter bit-tarsib. C'est-à-dire qu'ils vont hériter par le fait qu'il y a une autre personne. D'accord ? Wa fil hadith, le cheikh il nous dit. Et dans le hadith, donc on est toujours dans les dépenses. Lil mamlouki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiq. Rawahu Muslim. El mamlouk, ce qui est voulu ici, c'est l'esclave. L'esclave doit avoir sa nourriture, ses vêtements. Et on ne lui demande pas d'accomplir que ce qu'il a la capacité de faire. Et donc, encore une fois, rapporté par l'imam muslim, encore une fois, barakallahu fikoum les frères, comme je l'ai dit précédemment, le lien qu'il y a entre l'esclavage européen ou l'esclavage mondial et l'esclavage qu'il y a eu dans la religion musulmane, le seul lien qu'il y a entre ces deux éléments, c'est le nom, le mot esclavage. Sinon, en réalité, lorsque tu regardes bien et que tu étudies bien, tu regardes déjà que contrairement aux autres lois qui appelaient les gens à l'esclavage, l'islam n'appelait pas à l'esclavage. L'esclavage, il existait déjà, l'islam est venu avec des restrictions. Et l'islam pousse les personnes à expier des esclaves, comme on l'a vu ici dans le chapitre du divorce. Plusieurs sanctions, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit libérer des esclaves. Et donc cette religion pousse à libérer les esclaves. Et les esclaves, est-ce qu'ils sont dans la même situation que les esclaves qui ont été esclaves des Européens, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Regardons ici, donc, il est interdit de charge de donner à cet esclave une tâche qu'il n'a pas la capacité d'accomplir. On a déjà abordé ce sujet concernant les esclaves en Martinique qui ne vivaient que 5 ans, tellement c'était difficile. Ensuite, il continue. « Wa in talabat tazawwuj zawwajahu wujuban » Et si l'esclave demande à se marier, alors il est obligatoire à son maître de le marier. Obligatoire. Obligatoire. Va le chercher dans les lois européennes quand ils avaient des esclaves. Va chercher ça dans les lois européennes quand ils avaient des esclaves. Non. Non. Et aujourd'hui, les gens, ils vont taxer, ils vont critiquer l'islam par rapport au fait qu'il y avait des esclaves. Regardez les esclaves qu'il y a, regardez l'esclavage qu'il y a eu en islam et l'esclavage qu'il y a eu chez les Européens ou dans les autres religions. Regardez la différence entre les deux. Allez, regardons les descendants des esclaves chez les musulmans. Hein? La différence qu'il y a entre les descendants des esclaves et les descendants des maîtres d'esclaves chez les musulmans. Et la différence qu'il y a entre les descendants des esclaves et les descendants des maîtres d'esclaves en Martinique. On n'a pas besoin d'aller loin. Hein. En France, on a un très bon exemple. En Martinique, tu vas en Martinique, tu regardes la différence entre les descendants d'esclaves et la différence entre les descendants des maîtres d'esclaves. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Maintenant, tu vas faire la même chose dans les pays musulmans. Et tu regardes le nombre de ulama, le nombre de savants qui étaient des descendants d'esclaves qui avaient été libérés. Va regarder le nombre. Va regarder dans Kutub al-Jarh wa al-Ta'dil. Et donc, barakallahu fikoum, ça n'a rien à voir. On ne compare pas l'incomparable. Tayyib. Ensuite, il dit Wa 'ala al-insani an yuqita baha'imahu ta'aman wa sharaban wa la yukallifuha ma yadurruha. Il est obligatoire, donc, à l'individu d'accorder, de donner à ses bêtes la nourriture ainsi que la boisson et encore une fois, de ne pas leur donner des tâches qui leur font du tort. Donc tous les animaux que tu as, tu ne peux pas leur faire du tort. Dans Sunan Abi Daoud Il y a un jeune Ansari qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est venu voir le prophète. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, أَفَلَا تَتَّقِ اللَّهِ فِي هَذِهِ أَفَلَا تَتَّقِ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَ فَإِنَّهُ شَكَالِ أَنَّكَ تُجِعُهُ وَتُدْئِبُهُ. Ne crains-tu pas Allah concernant cet animal qu'Allah t'a confié? Car certes celui-ci s'est plaint auprès de moi, il s'est plaint du fait que tu le laisses affamé et que tu le fatigues. Un animal, rappelez-vous le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Dakhalat imra'atun an-nar fi hirra » Une femme, elle est rentrée dans le feu à cause d'un chat. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas laissé se nourrir, elle l'a laissé mourir. Et donc il t'est obligatoire de dépenser pour ta femme, pour tes enfants, pour les gens de ta famille, hein, pour tes animaux. Il est obligatoire de dépenser. Et ça, ça nous montre, barakallahu fikoum, que l'islam, c'est une religion qui nous appelle à être actifs. Tu ne peux pas être feignant et rester là comme ça et attendre que... Parce que il t'est obligatoire de dépenser, mon frère. Aujourd'hui, notre problème, c'est que la société française, elle nous appelle à la fainéantise. Des aides à droite à gauche, t'as des aides, du coup, on n'a pas besoin de travailler, on est là comme ça. Et lorsqu'on pense à faire la hijra, on se dit, comment je vais faire? Je ne pourrais pas rester là comme ça, il n'y a pas d'aide. Eh bien oui, il faut travailler, il faut bouger. Il faut bouger. Notre religion ne nous appelle pas à la fainéantise, les frères. Elle ne nous appelle pas à la fainéantise. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait contre la fainéantise. Invoquait contre cela. Ça fait partie des invocations du matin et du soir. وفي الحديث إذن الحديث دكتور كنودي كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. إذن الحديث il suffit à l'homme comme péché de retenir donc de priver ceux dont il détient leur nourriture. Et donc il est interdit de priver tous ceux que tu dois dépenser pour eux. Il est interdit de les priver de cette dépense. Épouse, enfant, etc., etc. Et donc, comme j'ai dit précédemment, en sachant que les autres membres de la famille, donc ceux qui ne sont pas les épouses, les enfants, eux, ou alors même les enfants quand ils sont adultes, il était obligatoire de dépenser pour eux dans deux conditions. La première, c'est que tu aies les moyens. Et la deuxième, c'est qu'eux, ils sont pauvres. Eux, ils sont pauvres. Ton fils, il est adulte, il n'est pas pauvre, il n'était pas obligatoire de dépenser pour lui. El hadana. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wal hadana. Donc, on l'a traduit par la garde des enfants. On peut dire aussi, el hidana. Hiya hifzu tifl amma yadurruhu wal qiyamu bima salihihi. Ça, c'est très important. Il nous montre directement le sujet. Contrairement à ce qu'on peut voir. Ce sujet-là, barakallahu fikoum, la garde des enfants, c'est concrètement, depuis que je suis revenu en Europe, c'est le sujet où il y a le plus de transgressions dans le divorce. C'est le sujet dans lequel les gens ils suivent le plus leur passion. C'est vraiment, je prends ce qui m'arrange. Quand c'est ça, ah oui, il y a un hadith qui dit que, donc ouais, c'est pour moi. Taïb, lorsque l'autre hadith, il ne montre pas que c'est toi qui as la garde, ah non, mais, etc., etc., etc. Donc l'auteur ici, il nous dit directement que ce sujet, c'est le fait de préserver l'enfant de ce qui peut lui faire du tort. Préserver l'enfant de ce qui peut lui faire du tort. Et le fait d'accomplir ce qui est un bien pour lui. Et donc lorsque tu abordes le sujet de la garde des enfants, achi, pense pas à toi. Ne sois pas égoïste. Là, on est en train de parler de l'enfant. Que ça soit l'homme, le père ou la mère, on parle de l'enfant là, il faut regarder ce qui est, où est le bien pour l'enfant. Mais nous, le problème, c'est qu'on est égoïste. Ah, il va me manquer, ça va me faire mal. Ça va me faire mal s'il est dans une maison avec un autre homme. Si elle se remarie et qu'il est dans la maison avec un autre homme, ça me fait trop mal. Et donc, on est égoïste. La femme, même chose. Ah non, ça va me faire mal. S'il est avec l'enfant et qu'il se remarie et que c'est une autre femme qui s'occupe de mon enfant. Etc, etc, etc. Parce qu'on est égoïste. On ne pense pas à l'enfant, on pense à nous, le fait qu'on le veut à côté de nous. Oh mon enfant, je t'aime. Quel amour? C'est quoi ça, cet amour-là? Quel amour? C'est l'amour juste parce qu'il est à côté de toi, c'est ça l'amour? Parce que tu peux lui faire des câlins, etc. Taïb, la mère de Anas ibn Malik, lorsqu'elle l'a envoyé être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant environ 10 ans, est-ce qu'elle l'aimait pas? Elle l'a envoyé, est-ce qu'elle l'aimait pas? Mais bien sûr qu'elle l'aimait. Par cela, c'est devenu un des plus grands savants de la communauté musulmane. Elle n'a pas pensé à son intérêt à elle, elle a pensé à l'intérêt de son fils. Non, en fait, oui, elle a pensé à son intérêt à elle, mais dans l'au-delà. Pas comme nous, on pense à notre intérêt ici-bas, à mon cœur, etc., etc. Tayyib. Alors il nous dit, وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ. Et donc, celle-ci, donc la garde des enfants, donc ce qui est voulu par la garde de l'enfant, c'est le fait de préserver l'enfant. Et donc il nous dit, celle-ci est obligatoire à tous ceux à qui il est obligatoire de dépenser pour l'enfant. وَلَكِنْ وَلَكِنَّ الْأُمَّ أَحَقُ بِوَلَدِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِنْ كَانَ دُونَ سَبْعَ. Cependant, la mère est prioritaire. Cependant, la mère est prioritaire concernant son enfant, que ça soit un garçon ou une fille, tant que cet enfant est en dessous de 7 ans. Tant que cet enfant est en dessous de 7 ans. Pourquoi est-ce que les savants nous abordent ce sujet? Pourquoi 7 ans? Parce que c'est à partir de 7 ans que l'enfant commence à distinguer en général. À distinguer le bon, le mal, le bien, le mal, etc., etc. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et donc, l'âge du discernement, on dit. L'âge du discernement. Et la femme, donc comme on a dit, elle est prioritaire. Et ça, c'est unanimité des savants. Unanimité des savants. La femme, elle est prioritaire pour la garde des enfants tant que l'enfant n'a pas 7 ans. Sauf si la femme se marie. Sauf si la femme se marie. Alors, à ce moment-là, elle saute son droit. C'est-à-dire que là, ce n'est plus elle qui est prioritaire. Ce n'est plus elle qui est prioritaire. Ça, bien entendu, les frères, ça c'est lorsque les deux ils ne se mettent pas d'accord. Mais s'ils se mettent d'accord eux-mêmes déjà, alors ils vont respecter ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Tout simplement. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors là, on regarde qui est prioritaire. D'accord? Ensuite, donc, l'imam Abu Daoud a cité dans son recueil qu'une femme, elle est venue, parce que nous, souvent, on dit, non, mais Harry, moi, ça me fait trop mal. Ma fille, elle va se faire éduquer par un autre homme. Mon fils va se faire éduquer par un autre homme. Taïb, est-ce qu'on pense que les femmes, elles n'ont pas mal aussi? Dans Sunan Abi Daoud, cette femme qui est venue voir le prophète, elle a dit, Kene botni lahu ya'an. Mon ventre était sa protection à cet enfant lorsqu'elle était enceinte. Et ensuite, à sa naissance, c'est moi qui l'ai allaité. Puis son père m'a divorcé et il veut le prendre. Son père m'a divorcé et il veut le prendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Tu es plus en droit d'avoir cet enfant tant que tu ne te maries pas. Tu es plus en droit d'avoir cet enfant tant que tu ne te maries pas. Et donc ça, attention les frères, ça c'est jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans. L'auteur nous dit, فَإِذَا بَلَغَ سَبْعًا. Alors lorsque l'enfant atteint les 7 ans, فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنْ يَخْتَارُ. Et donc lorsque l'enfant atteint 7 ans, si c'est un garçon, on lui demande de choisir entre ses deux parents. Et il va rester avec celui qui l'a choisi. Il va rester avec celui qui l'a choisi. Est-ce qu'il y a une preuve de cela? Naam. Il y a une preuve de cela, donc, dans Sunan Abi Daoud. Dans Sunan Abi Daoud, hadith de Abi Huraira, donc, une femme et le père de son enfant qui sont venus se plaindre auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aura la garde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à l'enfant, Ya Roulem, hadhihi ummuk, wa hadha abuk, khudh bi yadi man shi'ta minhuma, wa dhahab bihi. Oh, petit enfant, voici ta mère. Voici ton père. Prends la main de celui des deux que tu voudras. Et ensuite, pars avec. Alors, dans le hadith, l'enfant, il a pris la main de sa mère. Fantalaqat bihi. Alors, elle est partie avec l'enfant. Elle est partie avec l'enfant. Et donc, les savants, ils ont fait le lien entre les deux hadiths. Dans un hadith, le prophète, il dit que la femme, elle est prioritaire tant qu'elle ne se marie pas. Dans l'autre hadith, le prophète a donné le choix à l'enfant. Et donc, les enfants, les savants, ils ont dit, à partir du moment où l'enfant est capable de discerner et de choisir où il veut aller, alors là, c'est lui qui choisit. Alors là, c'est lui qui choisit. Taïb, les savants, ils nous disent, l'enfant, il a choisi la mère. Il part avec sa mère. 2 mois après, il s'est rappelé les vacances qu'il a eues avec son père l'été dernier. Il dit, franchement, j'étais trop bien chez papa. Je veux retourner chez papa. Alors là, les savants disent, il retourne chez son père. Il va où il a décidé entre les deux. Taïeb, on continue. Wa in kanat untha, mais si c'est une fille. فَعِنْدَ مَنْ يَكُومُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ أُمِّهَا أَوْ أَبِيهَا. Et donc, si c'est une fille, alors à ce moment-là, elle va rester chez la personne qui lui rapporte du bien. La personne qui la préserve, etc. Que ça soit son père ou sa mère. Certains savants, ça c'est un sujet de divergence concernant la fille. Certains savants, ils vont dire donc que cette fille, c'est elle qui choisit. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. L'avis de l'imam Shafi'i, la fille, c'est comme le garçon. Elle a atteint les 7 ans, elle choisit. L'imam Ahmed, il dit que la fille, elle doit rester chez son père. À partir de 7 ans, elle reste chez son père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va rester avec elle, la protéger, etc. Elle commence à grandir. Et donc, elle reste chez son père. L'avis de l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, c'est que elle reste auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle reste auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle se marie. Et la vie qu'a choisi l'imam Saadi ici, c'est qu'elle reste chez celui qui va pouvoir donc lui accorder du bien. Les savants, ils disent, la vie le plus juste ici, c'est la vie de l'imam Shafi'i. La fille, c'est comme le garçon. Elle choisit où elle veut aller. Comme on a vu dans le hadith, dans Sunan Abi Daoud. Et bien entendu, tout ça, barakallahu fikoum, dans tout cela, on ne peut empêcher à aucun des deux parents de visiter son enfant et de rester avec son enfant. Ce n'est pas parce que ce n'est pas lui qui a la garde que ça veut dire qu'il ne peut pas voir son enfant quand il veut. C'est son enfant. D'accord? Et donc ça, c'est important. Ensuite, un point très important, et c'est avec ça que l'auteur il termine, il dit « وَلَا يُتْرَكُ الْمَحْدُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَسُونُهُ وَلَا يُسْلِحُهُ » Et on ne laisse pas l'enfant entre les mains de celui qui ne le préserve pas, qui ne le protège pas, et de celui qui ne lui accorde pas du bien. Et donc, ça veut dire quoi ça, barakallahu fik? C'est que tout ce qu'on a vu précédemment, c'est lié à ça. Il faut qu'on pense à cet enfant, parce que chacun est responsable. Tu es responsable de cet enfant, que tu sois le père ou la mère. Tu es responsable. Qu'est-ce que tu vas dire à Yarmel Qiyama? Ah non, mais j'étais trop bien à côté de lui. Et donc, il faut faire attention. Il faut choisir ce qui est mieux pour l'enfant. La femme, elle s'est remariée et elle a fait la hijra avec son mari dans un pays musulman. Mashallah, il y a les madaris, les enfants, ils apprennent le Coran, etc. Le père, il est encore là. Il va dire non, je veux pas que mon enfant, il soit éduqué par un autre homme, etc. Là, il pense à ton enfant. Qu'est-ce qui est mieux pour ton enfant? Qu'est-ce que tu vas dire au jour de la résurrection? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ku anfusakum wa ahlikum nara. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Et donc, barakallahu fikoum, il faut qu'on arrive à comprendre que la priorité, c'est pas nous. Et donc, tout ce qu'on a vu avant revient à cela. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres parmi les ulama. Tout ce qu'on a vu précédemment reste lié à ça. C'est ça la priorité. Et c'est là-dessus que chacun doit travailler. Oui, je sais, c'est pas facile de laisser son enfant. Mais regarde la priorité de l'enfant. Ne regarde pas ta priorité à toi. Regarde ce qui est mieux pour ton enfant. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Donc avec ça, on a conclu donc ce qui concerne le divorce. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite et une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.